Elle sort de la douche, les cheveux vanillés. Elle est trop belle, elle est pas maquillée. Bébé d'amour, je pense à toi qui es. J'aime te rendre folle, j'aime trop te taquiner. Un jour ça va bien, on danse la lambada. Un jour c'est la guerre, on se fait la bagarre. Et je regarde pas les autres madames. Même si dans ma tête des fois c'est trop le bazar. Je sais que j'aime de fou mon petit papillon. En plus aujourd'hui j'aime trop comment tu es habillé. Je lui dis je suis au studio, elle me dit pourquoi tu mens. Elle me rend fou, elle croit toujours qu'il y a des filles. Elle est belle et mignonne. Elle s'en fout des mignons. Quand je l'énerve elle m'ignore. Elle me dit tu ou appelle en vidéo. Elle sort de la douche, les cheveux vanillés. Elle est trop belle, elle est pas maquillée. Bébé d'amour, j'pense à toi qui est. J'aime te rendre folle, j'aime trop te taquiner. Bébé, sous le scooter Yamaha. Le monde en revêt, personne nous sépara. Personne nous sépara, même pas les lovés. Et on arrête s'embrouiller, tu vas mettre le mauvais. Elle aime ça, elle aime si. Oh mon trésor, pas de jalousie. Elle aime ça. Elle aime si, pour mon trésor, pas de jalousie. J'ai dû en affaire, j'ai perdu le nord. J'ai tout le temps raison, j'ai plus les mots. Et des fois je m'emporte, ouais, j'ai mes défauts. Sans que je suis moins informé, j'ai mes idées. Moi demoiselle, mon cœur est moisi. Chaque fois je prends sur moi, quand tu me réponds vas-y. T'es l'amour de ma vie, c'est toi que j'ai choisi. Après tu me fais des crises, quand on croise des gadgets. Elle est belle et mignonne, elle s'en fout des milliers. Je l'énerve, elle m'ignore. Elle me dit ou appelle en vidéo. Elle sort de la douche, les cheveux vanillés. Elle est trop belle, elle est pas maquillée. Bébé d'amour, je pense à toi qui est. J'aime te rendre folle, j'aime trop te taquiner. Bébé sur le scooter Yamaha. Le monde en revêt, personne nous sépara. Personne nous sépara, même pas les lovés.